c'est pour les mous. Et oui, comme chaque année, le Radio Campus organise son spectacle de chansons françaises. Aujourd'hui, on retrouve un peu d'ailleurs l'esprit cabaret de ses débuts, avec notamment Éric Bleuzet, que vous êtes en train d'écouter, ancien de Joe Butagaz et ses Brûleurs. Ça se passera le 3 avril à la Maison des étudiants, avenue Carl Gauss, à Villeneuve-d'Ascq, à partir de 20h30. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles, bien entendu. Vous retrouverez cette ambiance d'origine qui a fait la fierté des cabarets de Radio Campus, avec aussi également Guy Ciancia, qu'on retrouvera avec ses musiciens de Oisem et de la bande Apollo, que je vous propose de réécouter tout de suite. Eh bien, venez nombreux. Les larmes d'un crocodile qui épluchait des petits oignons avaient brisé le cœur des filles pendant des générations. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde les rapataires qui écrivent nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi. Arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Et voilà, on est de retour sur Radio Campus Lille et 106,6 MHz sur la bande FM. Et on est dans l'émission La Voix sans maître. La Voix sans maître, l'émission des anarchistes de Lille, de partout et d'ailleurs même, du Centre culturel libertaire, du collectif Plankton. Voilà, toutes sortes de personnes et vous, peut-être d'ailleurs. Si vous voulez présenter l'actualité vue par les anarchistes, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse lavoixsansmaître@herbefolle.org, herbe au pluriel, folle au pluriel. Voilà. Eh bien, comme chaque semaine, nous allons faire l'agenda politique et militant, et notamment l'agenda des concerts l'agenda des concerts du Centre culturel libertaire. Ensuite, nous parlerons de l'île aux pépinières, nous parlerons de Calais, nous parlerons de la loi sur le renseignement et de bien d'autres choses joyeuses encore. En attendant de faire l'agenda, on va passer un morceau de David Rovitch qui s'appelle « I'm a better anarchist than you ». Très bien. C'est tout à fait politiquement invalable. Mais je vais quand même le passer si j'y arrive. I don't drive a car because they run on gas. But if I did, it'd run on biomass. I ride a bike or sometimes a skateboard. So fuck off all you drivers and your yuppie hordes sitting all day in the traffic queues. I'm a better anarchist than you. I don't eat meat, I just live on moldy chives or the donuts that I found in last week's dumpster dives. Look, you people in that restaurant, I think you are so sad when you could have been eating bagels like the ones that I just had. I think it is a shame all the bourgeois things you do. I'm a better anarchist than you. I don't wear leather, and I like my clothes in black, and I made a really cool hammock from a moldy coffee sack. I like to hop on freight trains, I think that is so cool. It's so much funner doing this than being stuck in school. I can't believe you're wearing those brand new shiny shoes. I'm a better anarchist than you. I don't have sex, and there will be no sex. sequel, because heterosexual relationships are inherently unequal. I'll just keep on moshing to anti-flag and crass until there are no differences in gender, race, or class. All you brainwashed breeders, you just haven't got a clue. I'm a better anarchist than you. I am not a pacifist, I like throwing bricks, and when the cops have caught me and I've taken a few licks, I always feel lucky if I get a bloody nose, because I feel so militant and everybody knows. By the time the riot is all through, I'm a better anarchist than you. I don't believe in voting, I think consensus is the key. I don't believe in stupid notions like representative democracy. Whether or not it works, I know it is the case that only direct action can save the human race. So when I see when you're voting boost, then I know it's true. I'm a better anarchist than you. I'm a better anarchist than you. Et voilà, donc on vient d'écouter David Grovitch, chanson qui s'appelle I'm a better anarchist than you. Donc c'est une chanson humoristique sur le débat qui existe parfois entre anars et la quête de la pureté qui peut exister parfois, même si j'ai pas vérifié toutes les paroles pour dire que ces exemples étaient bien choisis ou pas. Enfin, c'est l'idée, plutôt que d'être un meilleur anarchiste que l'autre, le but, c'est plutôt qu'on soit un petit peu plus nombreux et nombreuses. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'agenda, si ça te dit. Oui, ça me dit. Et donc, on va commencer avec ce soir à 19h, c'est-à-dire il y a une heure. Mais donc, ça commence par une soirée de soutien aux exilés du Nord-Pas-de-Calais. Donc, ça se passe au Café Citoyen, 7 place du Vieux Marché aux Chevaux. Donc, on parle très souvent de Calais. On va encore reparler ce soir. Et ce soir, du coup, il y a cette soirée de soutien. Donc, avec l'ouverture d'une exposition de photos de O2E, en soutien aux exilés de Calais et des environs. Donc voilà, il y a un temps d'échange entre les assos, les militants, les migrantes, etc. À 21h, il y a un concert de Sylvain de Satum et de Rudan Soudan, donc avec une traduction en soudanais, du soudanais. Voilà, il y a aussi des plats soudanais. Voilà, voilà, ce sera aussi un appel aux dons. Et l'exposition dure jusqu'au 13 mai, avec à cette occasion-là un nouveau temps d'échange et la projection d'un documentaire. Et puis voilà, à nouveau la possibilité de faire des dons, parce qu'il manque de tout. Et on verra tout à l'heure, l'État et les collectivités locales de Calais font en sorte qu'il manque de tout. Voilà, ce soir, en parallèle au Centre culturel libertaire 4 rue de Colmar, il y a un concert avec trois groupes. Donc le premier, ça s'appelle « C'est appris libre ». Et ça a commencé à 19h30, vous pouvez encore y aller. 20h30, pardon. Oui, je me suis trompé. Et du coup, ça commence par Mohai Hide Sawada, du snare drum solo du Japon. Max Manak, des Bruits Libres de Lille. Et Broital Orgasm, du Free Noise de Belgique. Ce soir, également... à Lille à 19h30, voilà, c'est ça que j'avais confondu, au Dialogue Théâtre 34 rue de la Clé, voilà, il y a une soirée qui s'appelle Chronique dystopique, théâtre, lecture, discussion autour d'un monde meilleur, donc c'est ironique, et c'est organisé par Orsol. Voilà, samedi, si ça vous dit. Alors, samedi 28 mars, à 14h sur la Grand Place de Lille, aussi appelée Place du Général de Gaulle, il y a une manifestation contre les expulsions, du coup qui est une manifestation annuelle qui se fait à la fin de la trêve hivernale, soit demain, et qui est à l'initiative des ateliers populaires d'urbanisme. Sachant qu'il y en a plusieurs à Lille, il y a celui de Moulins, celui du Vieux-Lille et celui de Fives et celui d'Oisem, mais qui est un peu en transition en termes d'APU, et comme on n'a pas l'appel sous les yeux, ça va être très court. Ça va être compliqué d'en dire beaucoup plus. Voilà, c'est ça. On peut dire, en résumé, que le Parti Socialiste se fout de la gueule du monde, comme il l'a toujours fait, et que c'est pas parce que maintenant il est au pouvoir que les choses s'améliorent pour les questions de logement. Et à 14h30, du coup, au Centre culturel libertaire, 4 rue de Colmar à Lille, il y a l'Assemblée générale mensuelle du lieu, du coup, qui, comme c'est un lieu autogéré, qui fonctionne sans hiérarchie ni subvention, il fonctionne principalement avec l'Assemblée générale mensuelle, qui réunit des individus et des collectifs, et que, qui sont membres ou pas du CCL. Et c'est du coup un moment où il est possible de venir pour découvrir le lieu, pour voir son fonctionnement, partager des infos ou pas, peut-être discuter de certains trucs si besoin, et avoir des idées à proposer ou pas d'idées à proposer, juste venir voir. Voilà, je fais également pour ce jour-là, à 14h30 à la MRES, Maison Régionale de l'Environnement et de la Solidarité, donc un atelier informatique libre numéro 2 qui s'appelle « Mets ton site internet et email dans ton salon, tartampion ». Voilà, donc l'idée c'est l'idée de faire un atelier pour expliquer comment on fait pour devenir un vrai morceau d'internet et pouvoir avoir son site web qui tourne sur son ordinateur à soi et qui est accessible du monde entier, et ses mails qui sont sur son ordinateur à soi et qu'on peut recevoir sur son ordinateur du monde entier et envoyer depuis son ordinateur du monde entier, sans passer par des intermédiaires, qu'ils soient des énormes structures capitalistiques comme Google ou Hotmail ou Orange ou autres, ou même des structures associatives. Là, c'est vraiment reprendre le contrôle et devenir un petit bout de l'internet. Voilà. Le dimanche 29 mars. Alors, on va essayer de commencer dans l'ordre. Que c'est... Donc, tu veux dire que j'ai pas bien mis les trucs dans l'ordre dans le fichier, bah c'est gentil. Bah c'est effectivement le cas, mais ça dépend dans quel ordre on les prend. Du coup, c'est pas forcément le cas. Et à midi, donc ce dimanche, à l'Insoumise, bouquinerie occupée au 10 rue d'Arras à Lille, il y a Salle R, le salon des nuisances, qui du coup... où il y aura réunis de 12h à 18h des stands d'écoute, de lecture et d'échange de disques avec des labels, des distros et des collectifs qui, pour les citer, sont Build Me a Bomb, Les âmes d'Atala, La Société Pu, Give Us a Chance, Lucan Distro, Agor Hurlant, Tandoori Records, Nuit et Brouillard, Alois My Idealism, Don't Trust the Hype, le KGB et deux infokiosques de Reims et Liège. Et c'est possible de ramener des trucs pour la bourse d'échange. Et ça sera suivi à 16h d'une projection de cinéaste à tout prix. De cinéaste à tout prix. Ah oui, et aussi, demain, il y a... Retour dans le temps. Il y aura des concerts, donc demain, samedi 28 au soir, au Donjon, rue Lafargue. Qui seront à prix libre, et je ne sais pas exactement à quelle heure c'est, mais ça doit être disons vers 19h30 par exemple. Et le dimanche, retour dans le futur, un atelier de sérigraphie dans le cadre du coup de ce salon salaire au KJB, donc de 29, de 12h à 18h. Et alors, toujours ce dimanche, disons vers 13h-14h approximativement, il y aura un nouveau rendez-vous qui a été fixé à Lille aux Pépinières, donc c'est rue du Faubourg de Roubaix entre Saint-Maurice-Pellevoisin et Lille Europe, et du coup c'est un repas participatif avec sûrement des ateliers pour les petits et grandes, et probablement un peu de jardinage et différentes activités ou juste une promenade faisable, et des stands d'information par rapport au projet ou contre le projet mené par la communauté urbaine et la société publique locale Euralille, aussi appelée SPL Euralille, mais on va revenir un peu plus tard là-dessus. Comme on a annoncé. Et à 17h, du coup, après tout ça, il y a les Joyeux Mutins qui proposent une répétition publique avec suivi d'un bœuf. Et les Joyeux Mutins, donc, c'est une chorale militante qui chante donc majoritairement, voire exclusivement, des chants militants. Et qui propose du coup de se retrouver à 17h à la ferme d'en haut à Villeneuve-d'Ascq. Et la ferme d'en haut, c'est 268 rue Jules Guedes à Flersbourg. Voilà, à lundi maintenant, lundi 30 mars à 14h au Vieux Condé, il y a un théâtre forum qui s'appelle J'ai les mêmes droits. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un théâtre forum créé par des lycéens du pays de Condé sur les questions de sexisme et d'homophobie. Voilà, donc ça vaut la peine de vous renseigner et de faire une réservation obligatoire apparemment pour y aller. À 19h, ce lundi également, il y a la projection débat d'un film de Marie-Monique, suivi d'un débat avec Benoît Canis, maraîcher en agriculture biologique, et Jean-Louis Poyon du jardin de Cocagne de la Haute-Baume. Et le film de Marie-Monique qui s'appelle Notre poison quotidien. Donc c'est à l'univers, au Majestic, pardon, excusez-moi, au Majestic 54 rue de Béthune. Et c'est Marie-Monique Robin, je crois qu'il Marie-Monique ont... Robin, il me semble. Et son nom a été coupé dans mon copier-coller. Ce même lundi 30 mars, au Centre Culturel Libertaire, à partir de 21h, il y a un double concert avec Black Art, du hardcore and roll de Grande-Bretagne, et Cobra Jaune, de l'Experimental Noise Wave de Bruxelles. Et c'est à prix libre, comme tous les concerts du Centre Culturel Libertaire. Et le lundi midi, toujours à prix libre, il y a, comme chaque semaine, la cantine aussi vegan au Centre Culturel Libertaire, 4 rue de Colmar à Lille, avec, je ne sais pas bien ce qu'il y aura à manger, mais en dessert, il y aura de la crème au chocolat. Voilà. Yummy. Et alors, le mardi 31 mars 2015, à 19h au Café Aspendos, au premier étage du Café Aspendos, Oisem. Ah, on me fait des signes, Oui, c'est ça. En fait, j'étais pas certain de l'annoncer, ce truc-là. Donc, disons que je l'annonce par. C'est un peu particulier. Disons que je l'annonce parce que j'ai bien aimé le précédent débat annoncé et proposé par la société Louise Michel, Lille, qui avait invité Auré Wimdel et Eric Fassin à présenter le livre Rome et Riverains, une politique municipale de la race. Et cette fois-ci, c'est, par contre, c'est un peu particulier de présenter ça dans une émission anarchiste, puisqu'il s'agit d'un débat public avec Stéphane Lavignotte, voilà, qui est pasteur et théologien. Voilà. À 19h30, le mardi 31 mars, au Kino Séné, eh ben, y a un truc voilà, qui t'intéresse particulièrement. Ah. Du coup, oui, il y aura une projection... donc le mardi 31 mars à 19h30 au Kino à Lille 3, c'est ça ? C'est ça, rue du Barreau à Villeneuve-d'Ascq. Et bien de Afrique 50, qui sera suivi de Avoir 20 ans dans les Aurès. Du coup, c'est tous les deux des films de René Vautier, qui était un cinéaste militant, principalement. C'est des films qui ont été censurés pendant très longtemps et qui sont diffusés maintenant depuis quelques années. Et c'est du coup aussi une soirée en hommage à ce fameux René Vautier qui est décédé il y a à peu près un mois et demi, je crois, si je me souviens, le 4 janvier, voilà. Et ça sera suivi d'une discussion avec Louisette Faregno, qui est enseignante en cinéma, et il y aura aussi la projection d'un court-métrage qui s'appelle « Quand le soleil fait tomber les moineaux » de Hassan Lekzouli, qui a reçu le prix René Vautier du festival La Charnière en 2000. Voilà. Le mercredi 1er avril 2015 à 18h30, qu'est-ce qui se passe tous les mercredis à 18h30? C'est la manifestation du comité des sans-papiers 59. Voilà, place de la République. Mmh. Et à 19h, ce même soir, à l'univers cette fois-ci, il y a un film thématique sur les violences conjugales avec une exposition donc, sur les violences conjugales qui s'intitule Arrête ton cirque, donc 15 tableaux. Voilà. et 15 textes, voilà, qui est visible du 24 mars au 2 avril, donc qui est fait par Julie Le Fenten et qui est illustré par Meilo. Et il y a la projection du film L'Emprise de Claude Michel Rome, un film de 2014 de 90 minutes qui est interdit aux moins de 12 ans. Et voilà, qui est adapté du livre Témoignage acquitté d'Alexandra Lange, paru aux éditions Michel Lafond. Donc c'est l'histoire d'une mère de famille de 4 enfants qui en mars 2012 comparaît aux assises de Douai pour le meurtre de son mari. Le temps du procès, le film nous plonge dans le quotidien d'Alexandra, victime de violences conjugales, une mère que la société n'a pas su protéger, ni elle ni ses enfants, de l'emprise d'un monstre qu'elle a pourtant aimé. Voilà, c'est suivi d'une discussion et d'une rencontre avec Meilo, illustratrice de l'exposition. Il y aura également la présence d'écoutantes de l'association L'Échappée, association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et la soirée est organisée en partenariat avec L'Échappée. L'Échappée, dont on avait déjà passé d'extraits d'une interview ici. Et il y a quelques années, on avait également fait une soirée au sujet de Strauss-Kahn et surtout du traitement médiatique de l'affaire Strauss-Kahn. Voilà, où l'échappée, une personne de l'échappée avait intervenu avec nous. Voilà. Le jeudi 2 avril 2015 à 20h, à l'insoumise bouquinerie occupée, qu'est-ce qui se passe tous les jeudis ? Et à la cantine végane. Voilà. Du coup, qui est à prix libre. Et 10 rue d'Arras. Et qui est dans le. D'ailleurs, dans les rendez-vous hebdomadaires aussi végans, il y a le petit-déj au matin. Ah oui, c'est vrai, au Centre culturel libertaire. C'est de 7h à 9h30 à peu près. 9h30, 10h, ouais, on peut. Et c'est tout pour ce jeudi 2. Ben oui, mais en fait, c'est tout pour cette semaine-là. Du coup, il faut juste rajouter que le vendredi midi 3 avril, de midi à 14h, il y a la cantine du Centre culturel libertaire, la cantine végane du Centre culturel libertaire. Voilà. Tout à fait, avec un repas dont on ne sait pas la contenance. Cette fois-ci, sauf qu'on sait que ce n'est pas des produits issus de l'exploitation animale. Mais tout de même, parce que c'est une émission qui voit loin, on annonce le 9 avril 2015, comme j'imagine ça a été annoncé par plein de monde sur cette antenne, il y a le 9 avril à 14h30, place de la République, la grève générale et rassemblement régional contre la loi Macron et les politiques d'austérité. Voilà, et donc là on a eu l'info via la CNT, Confédération Nationale du Travail, et donc voilà, et CNT d'ailleurs qui a publié sur son site web cnt-f.org un texte d'analyse de la loi Macron et des tracts d'appel à la grève et des affiches que vous pouvez imprimer et aller coller partout en ville, voilà, pour lutter contre les gouvernements assujettis au capital et puis globalement tous les gouvernements. Voilà, c'en est fini pour l'agenda politique et militant et l'annonce des concerts du Centre culturel libertaire. On va maintenant écouter un autre morceau qui s'appelle cette fois-ci Slug's Revenge, une chanson sur la prison. Across so many states, so many are doing their time. Well, we hear these myths about rehab as if these structures were reducing crime. Incarceration and the rate of crime, the correlation, you stay there. But it sends out a message to the dispossessed, telling them all to beware. And you can't ignore the real problem, listen to what they say. But for those behind bars, these lies are so far from what they know is reality. class or race, so often in the name of the bill. As colleges take towns, the poor are dragged out to prisons while these landlords get their fill. And as prison-administered factories are used to exploit the labors of those locked away, those who make bars and the food and the beds use this PIC scam to get their pay. And you can ignore the real problem, settle for the PIC, but it's pretty clear there'll be no justice here until the captive are free. From outside you can't tell, but the inside is hell, as prisoners are subject to pain, 'cause of who they are, not the crimes they commit, though it's injustice all the same. Female and colored and transgendered prisoners are subject to bias abuse, while festering in cells with deplorable health, the mental anguish is profuse. And if you don't think that prisons are a problem, you better think again. For the good of us all, may they all one day fall and delight this world with their decay. Et nous revoilà sur l'émission La Voix sans maître, en bâillant. Oh la vache. Sur Radio Campus 106.6 FM. D'ailleurs, on l'a pas dit pour le moment, mais c'est possible de nous appeler pendant les pauses musicales sur le numéro du studio, le 03 20 91 24 00. Et du coup, on se proposait de parler de l'île aux pépinières, auquel on a fait référence dans l'agenda. Tout à fait, on se demandait du coup, moi je me demandais en fait si on était en mesure de rappeler exactement l'adresse du petit triangle là. Eh bien c'est la place du triangle Désiré Bouchard, Bouchard c'est à Calais. C'est la mère de Calais, oui, et sénatrice, voilà. Et alors, du coup, quelles sont les choses qui sont en cours actuellement sur cette île aux pépinières? Eh ben, alors, peut-être représenter du coup l'île aux pépinières, enfin ce qui est désigné comme ça, c'est en l'espèce un terrain d'à peu près un hectare et demi qui servait de pépinière, comme son nom l'indique, depuis 1850 environ, et qui avant était pas plus construit que ça, ou bien plus avec des habitations majoritairement avec des structures bois. Et il y a aussi du coup le long de ce terrain, alors les deux tiers du terrain est entouré par le cimetière de l'Est, et le reste, il y a le long du faubourg de Roubaix, il y a des maisons avec pour certaines encore des habitants dedans et habitantes, et pour d'autres c'est des maisons qui sont murées pour certaines depuis à peu près 20 ans et laissé à l'abandon et à pourrir par la mairie délibérément. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. C'est ça. Du coup, c'est un projet qui est possiblement anticipé de longue date, et prévu de longue date. Enfin, c'est même pas possiblement, c'est sûr. Et donc, ça court dans les bacs depuis quelques temps. Il y a un peu plus d'un an, il y a eu l'enquête publique qui a été faite sur ce projet. Projet qui par ailleurs est de détruire un peu tous ces arbres, ce qui est maintenant fait, on va le dire après, et de raser toutes ces maisons, de virer tous les habitants et de construire des immeubles de 3 à 9 étages à peu près. Et pas 200... de la petite habitation quoi. Voilà, des trucs un peu conséquents. Et du coup de mettre plein de béton et de sans trop de considérations, qu'elles soient sociales, écologiques ou démocratiques, comme il est de rigueur. Ils ont mis une petite couche démocratique en disant que les gens pouvaient participer. Il y avait un petit pourcentage des acquisitions où les gens pouvaient participer à discuter avec l'architecte l'aménagement de leur logement. Mais c'est un petit pourcentage, et c'est vraiment la couche de vernis démocratique dans ce gros projet immobilier. Oui, je pense qu'ils appellent ça l'habitat participatif. C'est ça. C'est une espèce de remake. Sachant que en général, ce genre de pratique consiste à, grosso modo, ce que les gens puissent choisir la couleur du papier peint. Ou... Il n'y a pas vraiment de grandes libertés qui sont données aux futurs habitants et habitantes de ces espaces, même si on prétend leur en donner la possibilité. Et donc, pour revenir sur une espèce d'historique un peu de ce qui s'est passé autour de ça, donc il y a 5 familles qui vivent encore sur place, qui depuis pas mal d'années reçoivent régulièrement des lettres leur disant que 6 mois après leur maison serait détruite, qui voient passer des huissiers, promoteurs, agents de la mairie et compagnie pour les tanner par rapport au projet, qui du coup avait participé à monter un dossier avec l'APU Vieux-Lille il y a donc un peu plus d'un an pour qui se valait comme participation à l'enquête publique et aussi qui était assez fouillé pour montrer à quel point sur justement les points sociaux, social, écologique ou démocratique ou financier, il y avait aucune prise en compte des habitants encore sur place, ni même de un peu la réalité du quartier. Et par la suite, dans la foulée un peu du travail de l'APU fait avec les habitants, il y a un collectif dit Pépinière qui s'est monté, qui est un collectif de soutien et d'habitants, et avec des rendez-vous. Il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont eu lieu. Il y en a eu un à la braderie de Saint-Maurice-Pellevoisin en septembre, où le terrain était ouvert et où à peu près 150 personnes ont pu venir voir le terrain qui était jusque-là au final assez privatisé vu qu'utilisé en tant que pépinière. Donc personne ne l'a jamais vraiment vu, ce bout de terrain. Jusque-là, oui. Et puis à cette occasion-là, ça a été possible de le visiter pour plein de gens. Et c'était assez convaincant comme expérience sensible. Que c'était un endroit intéressant, oui. Et il y a eu de nouveau un dimanche en décembre, un peu sur la même dynamique, mais avec un peu moins de monde. C'était pas la braderie cette fois-là. Ainsi qu'en février, et là, depuis le 8 mars, il y a eu aussi des rendez-vous tous les dimanches là-bas, plus ou moins annoncé, mais de fait qui était effectif et avec du monde qui passait sur le terrain, dans l'optique de... De faire en sorte que les gens puissent accéder au terrain et puissent... La première chose, si on veut s'approprier son quartier, c'est quand même de pouvoir s'y balader, de regarder ce qui s'y passe. Là, il y a cet espace libre qui s'est créé. Alors, effectivement, aussi parce que la mairie a fait le vide autour en expulsant en faisant partir les gens des maisons. Mais il y a ce terrain-là, et donc c'est la première étape que n'a jamais proposé la mairie, consiste à pouvoir aller regarder le terrain sur lequel ils proposent. Enfin, ils imposent de faire quelque chose, un grand ensemble immobilier. Et tout à fait. Et d'ailleurs, la mairie, elle, avance aussi de son côté. Donc, ce mercredi passé, là, il y a 2 jours, ils sont contentés de détruire à peu près les 3/4 de la partie boisée qu'il y avait sur ce terrain. Donc il y a plein d'arbres qui ont dégagé. Ça a pris le temps d'une demi-journée et ça a été assez rapide. Et la mairie a aussi annoncé, commencé à poser ce permis de démolition qui porte sur les 3/4 des maisons vides, plus les serres qui sont sur le terrain. Et avec dans l'appel d'offres une annonce de début de travaux pour début mai. Bon, ce qui laisse... un peu sceptique, mais a priori, en tout cas, apparemment, ils sont bien en marche. Oui, sachant que ça fait des témoignages de voisinage, c'est que ça fait des années qu'en fait, ils disent qu'ils vont commencer et qu'ils reportent d'année en année les démarrages des travaux. Mais là, ils ont quand même mis des permis. Alors, dans les choses qui se passent un peu aussi en parallèle sur un plan juridique, c'est que Du coup, les habitants et habitantes ont contesté la déclaration d'utilité publique. Déclaration qui, par ailleurs, avait quelques réserves, entre autres sur la hauteur des bâtiments, mais dont la mairie n'avait à peu près rien à faire. Enfin, en tout cas, enfin, c'est pas à peu près, c'était même complètement. Ils ont clairement dit que, lors d'une autre réunion publique, qu'ils pouvaient, s'ils voulaient, ne pas en tenir compte, et c'est que c'était ce qu'ils avaient fait. Et après, s'ils voulaient, s'il y avait l'envie d'essayer de remettre ça en question, il fallait aller voir au tribunal. C'était pas leur problème à eux. D'accord, oui, c'est ça, c'est la concertation. Je suis ironique, évidemment. C'est présenter les choses en avance pour qu'on puisse revenir sur les propositions faites, amener une participation la plus ouverte possible à d'autres acteurs que simplement les bureaucrates de la mairie. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et le jour où on leur dit « Ah bah, en fait, ce que vous avez fait, c'est pas bien », ils disent « Ah bah, vous pouvez contester, il faut juste aller au tribunal. » C'est bon, c'est ça, la participation et la démocratie participative par la mairie, effectivement. Je pense que c'est intéressant, d'ailleurs, de raconter peut-être l'une des dernières réunions publiques, comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu des tentatives d'intervention. Eh ben, du coup, c'est une réunion publique qui avait lieu le 20 février, de souvenir, qui était organisée peu après... un rendez-vous d'un dimanche sur l'île aux Pépinières, qui a priori des échos officieux de personnes de la SPLR à Lille n'étaient pas prévus initialement, et ils se sont dit qu'il fallait peut-être faire ça parce que pour essayer de remettre un coup de vernis démocratique. Et donc pendant cette réunion publique, il y a eu une grosse demi-heure de présentation qui s'est passée de manière relativement lisse, comme tout ce genre de réunion, jusqu'à un moment où l'architecte urbaniste du cabinet Tandem, par ailleurs, a prononcé le mot R+9, qui veut dire de manière un peu plus lisible et audible des bâtiments à 9 étages en plus du rez-de-chaussée. Ah oui, donc ça fait un immeuble de 10 étages en fait, ouais. C'est ça. Et du coup, ça a fait bondir un peu des habitants. Et là, il y a eu une espèce de balle qui a été lancée. Et, qui a été bien heureusement attrapée par les gens. Ouais. Ce qui montre que quand les gens sont informés, ben ils sont tout à fait en mesure de réagir aux informations qu'on leur donne. Et majoritairement, enfin, en tout cas parmi les personnes présentes, du coup, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a eu très peu de réponses réelles de la part de la mairie. Et dès que ça allait un peu dans les choses de fond et dans les questions vraies, ils ont... essayer de se décarcasser comme ils pouvaient de l'affaire aussi, en nous disant que nous, de toute façon, on n'avait rien à proposer. Et c'est très très élégant de leur part. Ouais. Ça commence à dater un peu, du coup, j'ai plus tout en tête. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, c'était assez significatif en termes de... On n'avait pas envie de faire cette réunion, on l'a fait, les gens nous posent des questions, on n'a pas envie d'en discuter. C'est ça, et qu'il y avait quand même une opposition au projet qui était... non négligeable, en tout cas à ce moment-là, et qui est toujours palpable pendant les moments sur la pépinière, en général, quoi. Peut-être que tu étais en train de rappeler ce qui s'était passé, du coup, lors de ces rendez-vous plus ou moins réguliers devant la pépinière le dimanche, c'est ça? Ouais, bah, du coup, pour le moment, ça prenait souvent la forme de repas participatifs, mais il y a eu aussi des chorales, des concerts, un concert de fanfare. De fanfare de la brigade des tubes. Il y a la samba activiste qui vient répéter aussi ces jours-là, les dimanches en général, depuis 2-3 semaines. Du coup, c'est possible d'intégrer leurs répétitions aussi. Ils ont des tambours en plus. Ils ont des tambours sous le coude. Et quelques codes facilement explicables. Et il y a eu un petit peu de jardinage qui a été fait, de débarrassage des serres aussi en vue de les utiliser. Une structure de cabane qui avait été construite, qui a été détruite une dizaine de jours plus tard. Dire de plus, et de nombreuses visites du terrain aussi. normalement, je pense que ce week-end, dans les activités, il devrait y avoir une innovation qui serait un peu sur le mode de dessine ta pépinière et de proposer comment on pourrait voir autre chose sur ce terrain que les grosses tours que la mairie voudrait y construire. Et de voir un petit peu quel autre projet pourrait germer dans l'imaginaire collectif et individuel des personnes qui y passent. Et voilà, et donc ça, c'est si vous voulez participer à ça ou en savoir plus ou participer à la lutte contre cette construction de grosses barres d'immeubles imposées par les plans urbains de la ville et de leurs alliés urbains, urbanistes, ouais. Eh bien, c'est possible du coup de venir ce dimanche vers 13h-14h sur le triangle de la place Désiré-Boucher. Voilà, du coup, c'est pas loin du tout de la gare Lille-Europe. Ouais. Voilà, en partant vers l'est, je dirais. Voilà. Voilà, bah, peut-être à on va dimanche. Passer. Oui, peut-être à dimanche, et on va passer un petit morceau parce que évidemment, ça c'est pas nouveau, ces grands plans urbains ou de construction de villes, ça intéresse ce qu'on appelle les promoteurs immobiliers. Et derrière, il y a de plus en plus, je pense, souvent des banques. Et là, il y a une très vieille chanson de Woody Guthrie, qui date de l'époque de Woody Guthrie, donc ce type-là qui avait sur sa guitare écrit « This machine kills fascist ». Et cette chanson s'appelle « Jolly Banker ». I'm a jolly banker, or the banker's lament, you can call it either one you want to. And, let's see here how that goes. I'll try to sing it then. My name is Tom Cranker, and I'm a jolly banker. I'm a jolly banker am I. I safeguard the farmers and widows and orphans, singing I'm a jolly banker. Jolly banker am I. When dust storms are sailing and crops they are failing, I'm a jolly banker am I. I check up your shortage and bring down your mortgage, singing I'm a jolly banker am I. When money you're needing and mouths you are feeding, I'm jolly banker am I. I'll plaster your home with a furniture loan, swinging I'm a jolly banker am I. If you show me you need it, I'll let you have credit. What was that? the bank of the Utah Crowd. Do you remember all yeah, that? That's cold. I ain't got no home in the world anymore. Et vous écoutez toujours La Voix sans maître sur Radio Campus 106.6 FM. Et je lance le sujet sur Calais. Et oui, Calais, on en parle très souvent à ce micro. Donc Calais, on en parle d'un point de vue anarchiste et contre les frontières, pour la liberté de circulation et d'installation de toute personne, indépendamment de son portefeuille, de sa carte d'identité ou de sa couleur de peau. Évidemment, évidemment. Et du coup, là, il y a une actualité à Calais qui est assez, assez incroyable, c'est qu'il y a une tentative qui, pour l'instant, pourrait sembler couronnée de succès des autorités, l'État socialiste Manuel Valls, Cazeneuve, et qui trouve un relais tout à fait adapté chez la sénatrice maire de Calais, Natacha Bouchard de l'UMP, puisque finalement ils ont la même politique économique, mais ils ont également la même politique raciste. Et du coup, ils ont mis en place un système de centres d'accueil pour migrants. Alors vous allez accrochez-vous bien à vos oreilles, parce que ça va envoyer du bois. Ils ont, du coup, il y a environ, on va dire, 1500 migrants autour de Calais, dans la région, etc., qui essayent de passer en Angleterre. Hein. Je rappelle que c'est pour ça que les gens sont là. Et donc, qui ont traversé, qui ont vu leurs amis mourir dans la mer Méditerranée, mourir dans les sables du Sahara, etc., et qui ont une dernière étape à franchir, qui est celle de la Manche pour arriver en Angleterre, ça ennuie Natacha Bouchard. L'État a envie d'essayer des trucs et de garder le contrôle sur ces installations de migrants et migrantes. Alors, l'État, faut le rappeler, n'a pas du tout envie de mettre en place quelque chose qui correspondrait au plus bas degré des valeurs républicaines, c'est-à-dire des conditions dignes de logement pour des gens qui ont quitté et fui l'horreur pour réussir à arriver jusqu'ici. Au contraire, la réponse de l'État, c'est le bâton et le fait de rendre invivable la situation aux migrants et migrantes de Calais et d'ailleurs. Et donc, des douches dégueulasses, des toilettes dégueulasses lorsqu'il y en a, non nettoyées, par le ramassage des poubelles, etc. Et donc, ils se plaindre très très fort. Alors, Natacha Bouchard le fait beaucoup, le TAL le fait beaucoup, Manuel Valls le fait énormément, se plaindre énormément de la propreté ou de la non-propreté qui croient voir chez les migrants. Et en l'occurrence, il s'agit simplement du fait que lorsque l'État ne donne pas de moyens de vivre correctement à des personnes, effectivement, ces personnes-là se débrouillent pour construire des bidonvilles, faut dire ce qui est. Et lorsque l'État ou les municipalités ne font pas le ramassage des ordures à proximité des bidonvilles, eh bien, les ordures s'accumulent. C'est bien normal. C'est la responsabilité de l'État et des municipalités de ramasser les ordures, et c'est pas autre chose. Du coup, là, le dernier mouvement qui est mis en place, qui est la dernière tentative de contrôle de l'État, ça consiste à avoir installé un centre d'hébergement et de services à plusieurs kilomètres de Calais, qui s'appelle Jules Ferry, et en parallèle a annoncé l'expulsion de des camps qui sont à proximité de Calais, ce qu'on appelle les jungles. Et c'est là qu'il faut s'accrocher à ses oreilles, si vous en reste encore, pour écouter ça. C'est qu'ils ont dit, autour de ce centre, en dur, vous pourrez vous réinstaller et reconstruire votre bidonville. Voilà, c'est l'État français, dans toute sa splendeur, qui organise... c'est pas qui organise, qui oblige des personnes dont il a la responsabilité de la santé et des conditions dignes de vie, il les oblige à se déplacer d'un endroit qu'ils avaient déjà construit à un endroit qui est une dune à plusieurs kilomètres de Calais, Une dune qui sert essentiellement aux motocross et aux chasseurs, et aussi aux décharges en plein air, hein, contre lesquelles ils ne font pas forcément grand-chose. Et donc, ils les forcent à se déplacer à cet endroit-là où il y a... où il n'y a juste rien. Alors ça pose plein de problèmes parce que les jungles à Calais sont notamment organisés et séparés en fonction des communautés des pays d'origine, par exemple les Érythréens, les Afghans, les Iraniens, etc., etc., qui ne vivent pas forcément les uns à côté des autres pour X ou Y raisons. Mais bon, là, l'État a dit, vous allez tous vous mettre au même endroit, on n'organise rien du tout, rien du tout, démerdez-vous, et voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'ils disent en parallèle, c'est, si vous ne vous mettez pas là, de toute façon, on va détruire vos logements de fortune. Voilà. Ce qui se passe en général, et ben là, c'est passé aussi, c'est-à-dire que suite à l'installation des gens à proximité du ferry, il y a déjà un riverain au moins, enfin une personne d'une famille de riverains qui est arrivée avec sa propre pelleteuse pour détruire des cabanes qui venaient de se faire construire. Donc voilà, donc là les bénévoles, les soutiens des migrants appellent la police. Et là, bon, ça finit par à peu près fonctionner, mais c'est quand même du délire. Et alors, mais pourquoi c'est du délire comme ça? Parce qu'en fait, il y a un terrain, il y a un terrain qui de racisme et de violence débridée. Bon, grosso modo, on a lâché les chiens contre les migrants, comme on a lâché les chiens. C'est une métaphore sur les Roms. Faut rappeler que à quelques centaines de mètres de l'endroit où les autorités veulent parquer les migrants, le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière avait organisé le 13 octobre 2014 une manifestation anti-migrants. Avec également des chasseurs, des agriculteurs, commerçants et tendanciers de bars et autres types de, entre guillemets, riverains en colère. Voilà, il faut rappeler que il y a une organisation d'extrême droite qui s'appelle Sauvons Calais, qui avait été reçue par un adjoint de la maire de Calais, Natacha Bouchard. Il y a une complaisance des autorités vis-à-vis des violences contre les migrants. Donc on est vraiment dans une situation où l'État et la municipalité et la police et la justice en nombre de cas favorisent une atmosphère xénophobe qui ne peut amener qu'aux violences supplémentaires contre les migrants. Du coup, face à ça, évidemment, l'État a joué relativement et la municipalité ont joué relativement finement parce qu'ils ont finalement proposé un centre d'accueil pour les migrants. Sauf que ils le proposent d'une manière qui crée plein d'autres problèmes, mais qui leur permet, et c'est tout ce qui les intéresse, de tenir un discours parce qu'ils sont uniquement dans le discours pour gagner ou perdre les élections, comme le Parti socialiste est en train de le faire d'ailleurs. Eh bien, pour perdre les élections, mais en disant, ah bah voyez, on a fait ce que les associations demandaient, on a créé un centre d'accueil pour les migrants, et voilà, elles sont encore en train de se plaindre. Et donc, évidemment, ça peut fonctionner un petit peu pour diviser les associations, donc il y a un besoin de réunir les associations qui avaient réussi, par exemple, il faut le rappeler, donc c'est ce que rappelle du coup cet article que j'utilise largement de Passeur d'Hospitalité, que le 28 mai et le 2 juillet 2014, et surtout le 12 juillet, suite à une manifestation unitaire des associations, elles avaient ouvert ensemble un squat à Calais, en plein centre-ville. Voilà, donc c'est cet esprit-là qu'il s'agit de retrouver pour lutter contre ces expulsions et cette politique de l'État. Peut-être pour aider à cela, enfin on espère en tout cas, le collectif Plancton, là, on invite le 9 avril à Calais, à 18h30, boulevard Lafayette, dans l'ex-local du Parti communiste français. On le note, voilà, on le précise. À Calais, donc ce 9 avril, deux auteurs d'un bouquin qui s'appelle Rome et Riverain, qui avait été présenté à Lille il n'y a pas très longtemps, et qui est sous-titré Une politique municipale de la race. Et qui décrit des processus tout à fait similaires. Et d'ailleurs, Éric Fassin, l'un des auteurs, avait dit que Calais était un centre d'expérimentation pour l'État et qu'ensuite, ils avaient appliqué ça au Rhum. Donc, qui explique cette politique municipale de la race. Et donc, Éric Fassin, donc c'est un sociologue, et surtout, je pense que c'est ça qui sera intéressant, Serge Guichard, qui est un militant de soutien aux Roms, hein, qui, après avoir une longue vie de militant communiste et d'élu communiste, qui s'est fait virer d'une municipalité socialiste, justement à cause de ses positions de soutien aux Roms, sera présent pour parler notamment de l'épuisement militant face à une entreprise de dépolitisation de la question des Roms, et donc à Calais également. Par exemple, lui, dans son expérience, quand il devait soutenir les Roms, il se retrouvait jamais face à des politiques, ou alors face à des politiques qui lui faisaient des procès, hein. Jamais face à des politiques, mais plutôt face à des services techniques de la municipalité. Donc cette dépolitisation fait que c'est très compliqué d'obtenir quelque chose de public, et c'est un peu le même genre de choses, enfin c'est pas un peu, c'est exactement le même genre de choses qu'essaye toujours de faire la municipalité de Calais, c'est de dépolitiser complètement la question de soutien aux migrants en ramenant tous à des questions purement techniques, des douches, des toilettes, etc., etc., et un centre d'accueil, etc., etc. Voilà, donc là, l'objectif de cette discussion, ce sera de repolitiser ou de montrer comment cette dépolitisation au moins épuise les militants qui se retrouvent à passer leur vie à faire des choses techniques face à des gens qui leur disent que ce qu'ils font n'est pas politique, alors qu'ils savent bien que c'est politique. Voilà. Donc je rappelle le rendez-vous, ce sera le 9 avril 2015. À 18h30, boulevard Lafayette, dans l'ex-local du PC. Et donc, ce sera la présentation du bouquin Roms et riverains, une politique municipale de la race. Ce sera à Calais. Ce sera à Calais. Ouais, j'ai oublié de le préciser. Super. Voilà. Il nous reste assez peu de temps. Peut-être qu'on ne va pas présenter. La loi sur le renseignement. La loi sur le renseignement. On va la garder sous le coude pour une prochaine fois. Voilà, juste un petit indice. Il faut rappeler que l'actuel chef de l'État français, Manuel Valls, et non François Hollande, qui est juste une marionnette entre ses pattes, en tous les cas, c'est l'impression que ça donne, a comme ami très cher et fidèle de très longue date, le responsable des questions et de la politique sécuritaire, antiterroriste et qui n'est autre que Alain Bauer. Et donc, aujourd'hui qu'on se retrouve avec une loi sur le renseignement qui est un Patriot Act à la française, hein. Le Patriot Act, c'est la loi qui a été créée juste après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Eh bien, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si on se retrouve avec une loi aussi dure, aussi intrusive dans la vie privée de la population, qui n'a aucun respect pour ces questions-là, c'est logique, c'est signé Manuel Valls et son pote Alain Bauer. Voilà, on va se quitter sur ce petit teaser, et surtout en mettant un morceau d'un groupe qui s'appelle The Casual Terrorist d'ailleurs, et qui s'appelle Anarchists Make Better Lovers. Et ben, donc les anarchistes se font des meilleurs amoureux ou amants, à vous de choisir. C'est parti, et à la semaine prochaine. Salut. I'm a jolly banker. Or the banker's lament. You can call it either one you want. Right-wingers are really shit in bed. Yeah, you probably shit at oral, and you probably don't give head. And to maintain some sense of dignity, well, you never try anything but missionary. swingers are really shit in bed. Yeah, you probably shit oral and you probably don't give head. And to maintain some sense of dignity, well, you never try anything but missionary. And oh, how boring, yeah, oh, how boring. When you fuck your ugly wife, well...